nous contre eux. Rap cru du creux. Hex, I'm show. Nous sommes ces lascars au grand cœur dont le regard dit le contraire. C'est que l'État veut faire taire parce que toujours contestataire. Lors des contrôles, la police nous plaque par terre. Du pédo dans les bulles d'air, j'avance la violence comme supporter. On me regarde mal, j'arrive plus à le supporter. J'en suis frustré, même ce bâtard portier veut pas me laisser rentrer. On nous observe, nous étudie comme des animaux lorsque le juge décide de faire nos vies des dessins animés. Pendant que l'avocat voit son client comme un dealer, tu vois le délire. Je dirais que son fils est notre meilleur client, mais faut pas le dire. Qui nous sommes, ceux qu'on emprisonne parce qu'on empoisonne leur if. Nous on consomme la résine sur les points contre la récidive. Qui suis-je pour chef d'entreprise? Un futur voleur qui détournera la marchandise. Analysé, pisté par des caisses banalisées. Non scolarisé, les frères savent que baiser l'Elysée. Du 9-5 au 5-7, ça rap sec. Alcoolisé, dans ce bled, c'est pas nous la risée. Analysé, pisté par des caisses banalisées. Non scolarisé, les frères savent que baiser l'Elysée. Du 9-5 au 5-7, ça rap sec. Alcoolisé, dans ce bled, c'est pas nous la risée. C'est pas nous la risée. En avant l'indéniable, ces indignes qui nous dépeignent. Affirmation du regard, illicite ou pas moi. Je félicite toute firme de gadjin, no hall. Une rafale assez minable. Ta priorité c'est le Philippe Elbillon. Ma minorité, moyen du bord, la monseigneur et le tube. Saccager vos fausses rumeurs. Saccader sur ta suspicion de race supérieure. Acclamer le pouvoir de ma street. Ratatiner l'arrogance ton équipe. Col roulé ta verre, à découper sport. Mais ce coup-ci, t'es élite. Plein d'art, au coup de trottoir, hémoglobine. Raton survécu à Champigne, Hiroshima. À froisser le béton, hiérarchie, sans schéma. Ton histoire, ils croient ceux qui font chemin. Tu palpites, nos peuples te repiffent. Ton pif, nos pépites, pas de raciste ou antisémite. Analysé, pisté par des caisses banalisées. Non scolarisé, les frères savent que baiser l'Elysée. Du 9-5 au 5-7, ça rap sec. Alcoolisé, dans ce bled, c'est pas nous la risée. Analysé, pisté par des caisses banalisées. Non scolarisé, les frères savent que baiser l'Elysée. Du 9-5 au 5-7, ça rap sec. Alcoolisé, dans ce bled, c'est pas nous la risée. Nommé sauvage, par ceux qui soi-disant sont sages. C'est vrai que nos passages dans les têtes adverses laissent personne dans les parages. Faut que les barrages, nous sommes les dégradés crânes chauves. Moi ça me chauffe, dis-leur qu'on fait les choses pendant qu'ils font les shows. Ils nous insultent à cause de notre couleur de peau. Pourtant j'ai entendu que bleu, blanc, rouge, c'était aussi mon drapeau. Bref, nous sommes vus comme les déchets de la France. On va se recycler en hachette, on va leur couper les membres. Membre coup de pinceau, Hex, I'm show. A tous les poteaux, depuis ce goal, l'équipe à Sarko. Un gros doigt, c'est rue de Bafon. Rap cru, ruelle, immeuble, on détroit froid. La F1, y'a pas photo, les pilotes viennent voir, ils sont dans le bois. Rassasié de tes fomites, militarisme clos sur le titre. Inspecteur, c'est fou ce qu'elle aime le sperme, ta petite. Prospecteur de mes frères au placard, bâtard. Analysé, pisté par des caisses banalisées. Non scolarisé, les frères savent que baiser l'Elysée. Du 9-5 au 5-7, ça rap sec. Alcoolisé, dans ce bled, c'est pas nous la risée. Analysé, pisté par des caisses banalisées. Non scolarisé, les frères savent que baiser l'Elysée. Du 9-5 au 5-7, ça rap sec. Alcoolisé, dans ce bled, c'est pas nous la risée. Inch'Allah pour vous le mout. On est juste excité à savoir qu'on va t'attaquer une Véronique. Toi et ta troupe d'indic. C'est comme ça que vous nous voyez, hein. We'll be right back.